compétence sur le sujet, je ne suis pas historien, je n'ai pas travaillé sur les transformations structurelles de l'université, donc voilà, c'est une réaction comme ça un peu à chaud. Moi, en fait, le livre, je l'ai vu, je pense, au début de l'année sur les étalages, et puis comme souvent, je l'ai pris, j'ai feuilleté, je me suis dit que ça avait l'air intéressant, mais que je n'avais pas forcément le temps de le lire, l'argent pour le moment, donc j'ai reposé, et je suis reparti, et puis deux, trois mois plus tard, j'ai vécu ce qu'on dit tous, une énième déconvenue, une énième vexation. J'ai plein d'idées parce que voilà, on fait des sciences sociales, donc on a plein de ressources intellectuelles pour comprendre que ce qui nous arrive, c'est pas personnel, c'est pas de notre faute, etc. Et donc on fait appel à nos ressources pour apaiser un peu notre conscience et machin. Mais là, ça suffisait plus trop. Et puis il y a l'image du livre qui m'est revenue et je me suis dit, j'avais vu un truc, c'était sur l'université, et j'avais regardé le sommaire, j'avais vu que les deux premières parties étaient vraiment historiques sur comment c'était le 19e, début du 20e siècle, comment ça s'est transformé dans la seconde moitié du 20e siècle. Et en vrai, ces deux parties-là, je le dis très franchement, j'étais curieux et j'ai appris énormément de choses parce que j'y connaissais rien, mais c'était vraiment, j'avais tiqué sur la troisième partie, qui est la dernière partie du livre, qui raconte comment ça se passe aujourd'hui, quel est l'état, qu'est-ce que ça veut dire être précaire aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais aller prendre ce truc, ça va peut-être me permettre de comprendre un peu mieux. Et effectivement, ça a terriblement bien marché. Il y a on sait très bien que c'est pas notre faute, c'est pas personnel. Et en même temps, dans le vécu, on a beau le savoir, ça continue à nous travailler. C'est ça qui est difficile, je pense, et c'est ça qui crée... Qui crée de la souffrance. Et ma première question, ce serait peut-être sur ça, c'est vraiment sur tout l'aspect, pour moi, la figure du précaire, et j'ai retrouvé ça telle qu'elle est décrite dans le livre, c'est vraiment, c'est la figure du schizophrène, en même temps. Enfin, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui participe au fonctionnement du système qui l'a servi, et en plus, c'est pas seulement qu'il participe à son asservissement, c'est qu'il participe en général en ayant parfaitement conscience de tout ça. Donc c'est une espèce de double schizophrénie. Et ça, c'était vraiment bien décrit, donc ça fait du bien de le voir raconté. Et pour moi, ça fait écho à tout ce truc des injonctions contradictoires. Alors là, en vous écoutant, je renotais à la liste, j'en ai noté 4, mais en fait, je pense qu'on pourrait en trouver sûrement plein d'autres. Mais il y a la première, c'est qu'il faut faire du travail collectif, il faut faire des colloques, des journées d'études à plusieurs, et en même temps, il faut être compétitif, individuel et collectif. Il y a le truc de il faut être dans le moule, montrer qu'on est bien dans son bon courant de sociologue de tel courant, etc. Et en même temps, faut montrer qu'on apporte quelque chose, qu'on est un peu novateur. Donc comment on fait pour être dans le moule sans être dedans? Il y a le truc de il faut faire son postdoc à l'étranger, aller parler anglais, machin. Et en même temps, il faut rester en France parce qu'il faut faire du réseau, il faut rencontrer machin et machine, etc. Et puis il y a le truc il faut faire du bon boulot, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit sérieux. En même temps, il faut de la quantité, il faut avoir donné des centaines d'heures de cours, il faut avoir publié 10 articles, etc. Et à chaque fois, franchement, ça rend fou, quoi. C'est ça. Et moi, ce que je me demande, ma question, c'est vraiment, je sais pas comment la formuler, mais c'est ça, quoi. C'est schizophrène, en même temps, on sait, comment on fait pour sortir de ça? J'ai plein d'idées de réponses, en même temps, je vois pas bien le but. Le deuxième point, il y a que 3 points, je vais faire vite. C'est parce que vous défendez vraiment en intro et puis à la fin du livre l'idée, vous le dites, j'ai noté page 171, vous écrivez, il faut vouloir sauver l'université. Et ma question, on n'est plus dans le travail d'historien, c'est ce que vous avez dit à la fin, c'est un peu, en tant que citoyen, je vous parlais. Et donc, il faut vouloir sauver l'université, mais moi, ma question, c'est, à quel point, quoi, et pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas aussi des stratégies de désertion, on va à côté, on crée une revue entre potes, on fait un groupe affinitaire où on réfléchit, on discute, on arrête de cette course au poste à l'université, on se dit je vais passer un CAPES, et ce sera plus facile et j'aurai un peu de temps, je ferai de la recherche à côté. Pourquoi est-ce qu'il faut sauver cette université-là qui donne vraiment pas envie et qui. C'est ça ma question, c'est un peu, je le pose de manière très schématique, mais est-ce qu'il faut rester dedans et vouloir l'améliorer, pas pour la faire revenir comme avant les années 50, mais est-ce qu'il faut rester dedans pour la sauver ou est-ce qu'on n'est pas fondé aussi parfois à aller à côté, à essayer de mettre en place des trucs individuels ou collectifs en parallèle? Et la dernière question, c'était sur, vous avez utilisé l'expression les précaires heureux, et vous avez dit ça vous fait un peu une belle jambe. Et moi, c'est vraiment ça, c'est parce qu'en même temps que je lisais ce livre, j'ai un autre bouquin qui est de Patrick Saint-Golani qui s'appelle Révolution précaire. C'est sur les précaires l'industrie culturelle. Bon, voilà, il a interviewé longuement une vingtaine de jeunes précaires qui ne sont pas à l'université, mais bon, voilà, c'est pas très différent. Et il montre comment la précarité, c'est plus ambivalent que ça. C'est, on arrive quand même à trouver des marges dans lesquelles on s'accommode. Et il peut même par moment y avoir quelque chose d'émancipateur dans la précarité parce que du coup, on se met hors de la logique marchande, de la logique bureaucratique qui est celle d'entreprise néolibérale, mais l'université est en train de devenir, raconter très bien, une entreprise néolibérale. Et donc moi, ma question, c'est, enfin, je suis un peu agnostique par rapport à ça, j'ai du mal, enfin, quand il raconte, je vois, en même temps, moi, ça me parle assez peu, parce que moi, je ne me sens pas du tout émancipé dans la précarité. En même temps, il y a des gens qui le sont un peu, vous, j'ai l'impression que vous laissiez pas trop de place à ça, cette idée-là, dans votre texte. Donc voilà, je voulais mettre ça aussi sur la table, je m'arrêterai là. Merci. Je retrouve, c'est un livre compliqué, pas simplement pour un historien, et encore là je vous l'ai dit, j'étais précaire, mais je me suis retrouvé dans des situations où j'ai vu des chercheurs pleurer, des précaires pleurer après que j'ai dit des choses un peu sensiblement ce que j'ai dit là, et ce que tu décris, c'est exactement ça, cette espèce de schizophrénie, je dirais pas consciente, mais bien entendu, parce qu'on a les outils. Intellectuel, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une habitude ou une habituation au travail d'objectivation de ce qu'on fait. C'est vrai pour une partie des sciences sociales, humaines et sociales, pour aller vite, c'est moins vrai pour les sciences dures ou une forme de verrouillage de ça, si on ne réfléchit pas trop aux conditions du travail scientifique, on fait le travail scientifique, puis bon. Mais par contre, je fais très attention à ça. L'idée qu'il y a, oui, mais on n'a pas le choix, on est coincé, et en même temps, alors schizophrénie, c'est intéressant comme terme, ce que ça veut dire comme pathologie. Et donc voilà, je prends beaucoup de précautions maintenant autour de ça, parce que c'est très dur de voir des gens pleurer qui ont mon âge, c'est terrible, enfin, c'est un truc sur lequel je me dis. Alors je prends des précautions, et en même temps, je me dis, comment. De toute façon, je pense que c'est une schizophrénie. Alors, pour le formuler autrement, c'est évidemment le fait d'être coincé dans un univers dans lequel on ne trouve pas place, mais en dehors duquel on ne s'imagine pas exister. D'ailleurs, c'est pas de la schizophrénie. C'est-à-dire on est socialisé dans un espace intellectuel qui devient, encore une fois, les sociologues ont bien bossé ça, qui devient non pas simplement une forme d'habitus, d'excis corporel, mais aussi une manière de parler, mais aussi une capacité d'objectiver, machin. Donc en réalité, c'est le tout du monde qui est le monde. Et c'est évidemment, c'est pas une forme de conscience, mais évidemment, quand on réfléchit un peu dessus, c'est une contradiction qui est difficile à assumer. Et elle l'est précisément parce qu'on remet 100 balles à chaque fois. Et elle l'est parce qu'il n'y a pas de moment où. Moi, je l'ai vécu, mais c'est pas à titre personnel. Je veux dire, j'ai vu des gens détruits complètement autour de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de possibilité de se projeter dans un avenir qui serait. Je parle pas d'un avenir heureux qui serait, je deviens titulaire, mais qui est, à un moment donné, si ça marche pas, j'arrête. C'est-à-dire que la chose qui revient tout le temps, c'est ça. C'est-à-dire, oui, on peut se le dire, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a ça. Oui, mais je continue. Oui, mais on ne sait jamais. Oui, mais alors j'ai été classé il y a 2 ans. Ah oui, mais ah ben alors là, je suis à nouveau. J'ai fait des publications. Le jeu est là-dessus, c'est-à-dire que précisément comme la carrière précaire se constitue bien, c'est-à-dire au sens positif, c'est-à-dire moi précaire, je bosse pour sortir de cette précarité. C'est-à-dire on est piégé par le. Il faut en faire beaucoup, il faut en faire mais énormément. Il y a des témoignages en bouquin qui. Et des choses où je me reconnaissais moi-même, c'est-à-dire, ah oui, mais alors c'est pas que des articles, c'est des numéros spéciaux, c'est des colloques internationaux, c'est aller enseigner à l'étranger, c'est... Où est-ce que ça s'arrête? Et en fait, on est piégé par le fait que c'est pas à titre individuel que c'est bloquant, c'est que le monde universitaire ne fonctionne que là-dessus. C'est-à-dire, qui vous rappelle en début d'année, moi, j'ai le moment où j'arrête, où je dis c'est terminé, j'enseigne plus, et en plus, je me donne le beau jeu, mais c'est pas certain, j'en sais rien. Est-ce que je peux faire d'autres, faire des revues. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, le moment où on arrête, c'est là où on reçoit le plus de sollicitations. C'est-à-dire, ah bah tiens, tu veux pas faire un cours là, ah bah tiens, là j'ai un machin, ça peut t'aider. qui participe d'une forme de solidarité lâche, au sens humain, du monde universitaire, qui dit ah bah oui, non, tu vas pas laisser tomber, tu te rends compte, machin. En fait, tout est fait pour produire cet attachement au jeu. Et le jeu, on peut même avoir conscience des règles du jeu, ça tient pas sur le respect des règles, ça tient sur le fait que les règles du jeu sont notre vie, sont constituées comme étant notre vie. Et là, on est, c'est pas de la schizophrénie, c'est un attachement à ce monde et de pas savoir faire autre chose. Enfin, je parle pas physiquement, on fait tous autre chose, caissière, machin, hein, mais de ne pas avoir investi de forme de réalisation de soi à d'autres endroits. Et pire que ça, c'est-à-dire que tout le management néolibéral fonctionne sur ce management de soi. C'est-à-dire très clair, c'est la, je veux dire, je me suis retrouvé avec mon dos qui, j'ai regretté, qui trouve rien de déplorable au fait qu'un universitaire puisse changer de poste tous les 3 mois ou tous les 6 mois. C'est ça la recherche. On est créatif, on s'adapte, on est dans le mouvement. Oui, ben alors, donc quand on est là, on est coincé. Soit on prend ce jeu-là, et dans ce cas, on est des précaires de ça, mais nous-mêmes, on incorpore et on devient des entrepreneurs de notre précarité. C'est-à-dire, les auto-entrepreneurs à l'université, c'est quand même. Pour dire la vraie, c'est le moment où j'ai arrêté. C'est-à-dire, je me suis dit, on est auto-entrepreneur. C'est-à-dire, on va délivrer, une entreprise privée va délivrer des diplômes du public dans une université publique. Qui est-ce que c'est que ce bordel? Et il y en a plein. Là, je me suis dit, non, voilà. Mais sinon, non, je n'ai plus dans ces logiques-là. Le deuxième point sur sauver l'université, je précise bien la phrase, c'est les propositions qui suivent, elles prennent appui sur 2 certitudes. L'une est qu'il faut vouloir sauver l'université, l'autre est qu'il faut refuser d'en habiter les ruines. C'est-à-dire, quand je parlais de l'université, ce n'est pas l'université telle qu'elle est là qu'il faut sauver. C'est-à-dire, l'idée, et c'est ce que je dis après, c'est-à-dire, la vraie question qu'il y a derrière et qu'on devrait tous se poser, c'est et pourquoi il faut qu'il y ait une université dans notre pays ou dans notre mode de vie? Pourquoi il faut qu'il y ait une université? Et je ne dis pas au sens utilitaire, précisément pas. C'est-à-dire, on nous a habitués à se dire qu'il y a une université, c'est évident, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins de formation, il y a des besoins de. Ça, c'est faux, ça, on a adopté le discours. C'est quoi? Pourquoi il faut qu'il y ait une université? Et c'est là où il faut la sauver. S'il faut une. Moi, pour moi, il faut qu'il y ait une université, parce qu'il nous faut ce lieu dans lequel on. Encore une fois, idéal, utopique, tout ce que vous voudrez, dans lequel on peut idéalement être dépris des enjeux et des urgences du monde, cette espèce de mode scolé, médiéval, je suis historien, je vois ce que c'est, qui fait que quand on est dépris des urgences du monde, à savoir, par exemple, ça peut être les débats médiatiques qui imposent des sujets, ça peut être le monde économique, telle entreprise qui impose un sujet de recherche à des chercheurs, puisque maintenant ça se passe comme ça. Donc quand on est dépris de ça, là on a un lieu qui permet de produire une intellection de notre société qui ne soit pas simplement à la fois dans je documente ou je continue à perpétuer un ordre dans lequel eh ben, ma foi j'en hérite et puis je le reproduis et je ne réfléchis pas. Là on a un lieu dans lequel on peut le penser autrement, s'il est dépris de ces enjeux-là, et c'est ça pour lequel je défends, mais aussi pour lequel on n'est plus dans la formation des étudiants qui serait les préparer au. C'est pas, et préparer au monde professionnel. L'université que moi je dis vouloir, il faut la défendre, c'est une université qui ne fait pas de la propédeutique du monde professionnel, qui place les étudiants dans une situation d'être non pas attentistes comme on les prépare, enfin je suis désolé, je suis enseignant aussi, enfin, je l'ai été il n'y a pas si longtemps, on les prépare au monde professionnel, on ne fait plus que ça. Nos offres de formation, c'est ça. On les prépare à être attentistes à l'égard du monde qu'on les a préparés à s'attendre à trouver. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne les prépare pas à vouloir le changer. Je généralise. C'est tant mieux qu'il y ait des exceptions, c'est tant mieux que l'actualité nous donne tort, c'est tant mieux. Donc, l'université qu'il faut défendre, c'est celle-là, celle qui permet de dire aux étudiants « Non mais le monde est à vous, là. Vous héritez pas d'un espace dans lequel il va falloir avoir un CV dans lequel vous avez fait tel stage ou tel machin. » Justement, de pouvoir créer un espace d'intellection des choses qui ne soit pas par avance inféodé au monde dans lequel qu'on a trouvé nous et qu'on serait là simplement pour perpétuer. Grosso modo, pour faire un raccourci historique rapide, en fait on se retrouve à faire ce que l'université du 19e faisait pour Napoléon. D'ailleurs, donc on est là pour reproduire telle charge qui va permettre d'obtenir, enfin tel titre qui va permettre d'obtenir telle charge. Donc quand je dis qu'il faut la défendre, c'est celle-là qu'il faut défendre. Et celle qu'il faut défendre aussi, c'est celle qui redonne, enfin je prêche évidemment pour des convaincus, mais. Celle qui redonne aussi aux universitaires la main sur le métier, c'est-à-dire l'idée qu'on a un espace de vie collectif, que ce n'est pas un espace simplement de conquête des financements, parce que pour une bonne partie des universitaires, à présent c'est ça, hein. Donc de pas de coureurs de cachet et d'entrepreneurs de recherche, peu importe les résultats ou pas, mais de personnes qui aient le métier, c'est-à-dire qui prennent à bras-le-corps les formes de fonctionnement du métier. Un sujet de recherche, un objet de recherche, ça se décide scientifiquement, ça se décide pas autrement. Sinon, c'est ce que disait Benveniste. La science est scientifique, ce qui est fait pour faire science. À partir du moment où on n'est plus là pour faire science, on fait autre chose que de la science, on fait autre chose que du scientifique. Et c'est ce qu'on fait maintenant, on fait autre chose que du scientifique. On a d'autres enjeux, on a d'autres critères, on a d'autres machins. Donc c'est cette université-là qu'il faut défendre. Et pas avec de la nostalgie, ça peut exister ailleurs que... Là, il faudrait prendre l'université avec un U majuscule. Ça peut exister au sens d'un univers dans lequel le savoir et les modes de production du savoir sont au centre. Ça veut dire aussi la collégialité, des formes de réflexion, ce que Bourdieu appelait l'intelligence collective. Le mot scientifique, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire la production d'un objet de recherche et de la manière de le régler se produit collectivement. Ça n'existe pas l'intelligence individuelle. C'est très juste, c'est très vrai. Ça n'a pas pris une ride. Donc on est là, on va faire de la compétition entre chercheurs, machin, pour la prime. Mais n'empêche que, qui décide d'un sujet de recherche? Moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, historien, je prenais le sujet de recherche, non pas que je trouvais par terre, mais que je prenais à partir d'un état du champ scientifique dans lequel j'étais, avec des enjeux hérités ou pas hérités, des enjeux de pouvoir entre les chercheurs, des enjeux d'école, des enjeux d'intellection par rapport aux demandes sociales qui rentrent en ligne de compte. Voilà, tout ça, c'est rayé d'un trait de plume. Enfin, si je vous disais en histoire comment on choisit les objets d'histoire maintenant, mais comme partout, bon, dans les spécialités qu'on peut, voilà, c'est cette université-là qui me semble intéressante, enfin, qui me semble importante à sauver, parce que sinon, on n'a plus ça, et c'est pas simplement à penser, c'est cette forme de savoir-là disparaît. Mais elle peut se faire, ça peut se faire... moi, je viens de l'éducation populaire, ça peut se faire ailleurs que dans les structures universitaires, bien entendu. Et pour les précaires heureux, bah, je pense que j'ai répondu sur... Non, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le discours du bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin... Révolution précaire. Voilà, révolution précaire. C'est... Évidemment, moi, ce n'est pas la ligne que je... Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut ne pas voir... En fait, c'est le discours très 19e de la créativité du miséro. Oui, ils sont pauvres, mais putain, ouais, ils se la donnent. Ils n'ont rien, mais alors ils sont capables de vous inventer un truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux dire juste qu'ils sont miséreux et qu'ils font des choses. Là, on est bien avancé. Sur les précaires, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire de se dire, ils sont précaires, mais c'est c'est une manière d'avoir prise sur son emploi. C'est devenu ça. Depuis qu'on l'a institué en France, mais comme aux États-Unis, comme en Angleterre. Donc c'est une manière d'avoir prise. On est soi-même maître de son emploi du temps, on est soi-même maître de son. Le modèle de l'auto-entrepreneur partout, Uber et tout ça. Le modèle de l'auto-entrepreneur partout qui est arrivé à l'université. Le problème, c'est comme tout le temps, le problème c'est la pauvreté, c'est pas le mode économique dans lequel on... Regardez, vous attachez à un mode miséreux, mais regardez, qu'est-ce que vous êtes heureux d'être miséreux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, oui, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je comprends le discours d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire on retourne l'argument du « Ah, tout est pas si sombre, tout est pas si noir ». Putain, quand même, c'est précaire, c'est pas juste un truc où je me réveille le matin, je gère mon emploi du temps comme je veux. Je veux dire, un auto-entrepreneur, c'est très rare qu'un auto-entrepreneur négocie les montants de son contrat. Et encore moins à l'université, il arrive, il se met sur la grille des vacataires. Ah oui, mais alors attendez, moi il y a mes transports, il y a mes machins. Où est-ce qu'il est heureux? Enfin, où est-ce qu'il produit?